Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur antenne du 94 MHz ce lundi en direct à partir de 21h30 et quelques. Émission également podcastable, écoutable à la fois en stream et en podcast à partir de son blog asile35.blogspot.fr. Possibilité de s'abonner au podcast aussi via PodCloud par exemple. Voilà, donc également une écoute à partir du mixcloud.com/renman pour le streaming. On va démarrer avec un groupe et un duo britannique qu'on suit depuis quasiment leur début. Il s'agit de Crumbling Fur. La rencontre entre David O'Sullivan de Ulver et High Tenor, etc. Pas mal d'autres projets en compagnie de Alexander Tucker, auteur d'un bon petit paquet d'albums depuis une bonne quinzaine d'années, notamment aux éditions ATP Recordings ou encore Sridge Jockey. Ils sont d'ailleurs abonnés au label de Chicago, les Crumbling Fur, notamment pour le précédent qui était sorti en 2013 sous le titre Glynnestra. C'est le quatrième disque qui sort ces jours-ci sous le titre Fur Four, donc le quatrième de Crumbling Fur pour ce projet qui partage avec l'américain Charlemagne Palestine le goût des peluches. D'ailleurs, ils ont collaboré ensemble et il pratique de la pop assez robotique, un peu harmonisée, un petit côté loop kraut electronica, agrémenté d'un côté pastoral folk à l'anglaise, et également dans le chant qui se situe entre Richard Youngs et autres Dave Gann de Depeche Mode, et oui, de Depeche Mode. Vous allez pouvoir vous en rendre compte avec le titre qui démarre cet album de Crumbling Fur, le morceau Strange Friend. Hello, man. Démarrage tout en finesse et en décalage dans l'Asie le plus sûr. Tout d'abord, la pop ensoleillée au soleil de la perfide Albion de Crumbling Fur, le duo entre Daniel O'Sullivan et Alexander Tucker. Il y a un petit côté coïlien aussi dans leur musique, je dois dire. À ces deux-là, les Crumbling Fur qui reviennent avec leur quatrième disque Furfor. Alors, j'hésitais à vous le passer hein, pour tout vous dire. C'est un album assez atypique pour cette même deuxième émission, nettement plus de, dans le registre de la pop un peu psychédélique et kaléidoscopique, même si l'album est plutôt réussi à l'image des différents projets des deux Lascar. Et on a enchaîné les Crumbling Fur avec Macula Dog. Alors là, c'est une vraie découverte. Ça, c'est un disque 33 tours qui vient tout juste de sortir sur le label de Brooklyn, Wharf Cat Records, sous le titre Why Do You Look Like Your Dog. Ils avaient sorti une cassette en 2015. Apparemment, c'est un duo, je pense qu'ils sont new-yorkais. Et ils aiment à citer d'ailleurs les futuristes et autres dadaïstes, ainsi que Alfred de Jarry. Et apparemment, ils ont érigé en concept la laideur à l'image de leur visuel et de leur pochette de collage avec une esthétique assez ugly. Et donc une pop qui fait pop un peu fractale, un peu déstructurée, du post-residence Edivo de la grande époque pour les Macula Dog. Alors il y a des titres intentinés plus cut rythmés. Là c'était vraiment une séquence très très hachée, celle qu'on entendait, le morceau Tone Pig de Macula Dog, extrait de ce Why Do You Like Your Dog. On va continuer avec un duo un peu plus connu dans nos contrées. Il s'agit du Montpelliérain Pascal Comelade en compagnie d'un musicien un petit peu moins connu, Armand Mirales, qui lui a fait partie de pas mal de projets à partir du milieu des années 70, notamment la formation Erasius, qui avait sorti 2-3 albums entre 74 et le début des années 80. Il y a eu l'album Gwendoline, il y a eu aussi une série de rééditions grâce au label de Jérôme Génin, Fractal Records, qui n'est jamais avare en sucrerie expérimentale des années 70, qui avait sorti donc un coffret rétrospectif double CD qui réunissait les 3 albums, pas mal de matériaux et puis un beau livret de 16 pages. Ça doit toujours être disponible d'ailleurs, ce double CD de Erasius. Et puis ils avaient aussi édité un album solo d'Arnaud Mirales sous le titre L'Après-midi Chaud. C'était sorti il y a de ça 2-3 ans. Et à peu près à la même époque, c'est-à-dire à la fin des années 70, début des années 80, Pascal Comelade et Armand Mirales se sont côtoyés. Comelade qui lui avait commencé avec son projet Fluence vers 1973-74, à l'époque où il avait la même coupe de cheveux et un peu le même registre musical que Richard Pinas de Eldon. Et puis à la fin des années 70, début des années 80, il avait sorti une série de 45 tours, les fameux séquences païennes Parallelo et autres Ready Made. Et en compagnie de Armand Mirales, ils avaient coproduit un 45 tours qui était sorti en 3 exemplaires en test pressing aux éditions donc Frigido et Parasite Associés. Et ce 45 tours revoit le jour enfin grâce au bon soin d'un tout jeune label. Alors c'est l'occasion cette semaine de vous annoncer la naissance de Kuguyo Music. Rien que ça, donc label basé du côté de Perpignan. En fait, c'est la subdivision du label de Marcus Detmer Stop Gold, qui est né en Allemagne et qui poursuit son chemin à la fois en forme de boutique de disques et de label qui sort quantité de choses fort intéressantes. Stop Gold et donc Kuguyo Music, qui est le nom du magasin de Monsieur Denmers à Perpignan. Et donc 2 45 tours de Pascal Comelade, un 45 tours de pièces égarées, d'ailleurs aussi en compagnie de Richard Pinas, et ce 45 tours carré noir sur fond noir dont on va écouter un extrait. Et puis la face B, plus exactement, le morceau s'intitule Fond numéro 1. séquence si vous avez de la nostalgie de la mer, avec tout d'abord deux projets français ou francophones. Pascal Comelade, alors là c'était pas du tout chanté, en compagnie de Armand Mirales, avec un extrait de ce 45 tours, Carré noir sur fond noir, qui refait surface, des pièces de 1980, de l'époque où Monsieur Comelade avait plutôt tendance à traficoter les potards et les synthés analogiques, et de façon assez agréable, en compagnie donc de Monsieur Mirales, alias Frigido, donc un 45 tours qui n'était pas vraiment sorti à l'époque et qui était totalement inécoutable et introuvable. Il n'avait même pas fait l'objet de réédition, notamment sur le coffret par exemple que lui avait consacré Vinyle en demande, les pièces des années 70 de Monsieur Comelade. Donc c'était vraiment une très très bonne chose que la subdivision du label Stop Gold, la toute jeune subdivision Kuguyu Musique, inaugure une nouvelle série sans doute de 45 tours. Je pense que c'est un label qui va se consacrer à ce format, avec deux petits disques noirs de Monsieur Comelade, des pièces nettement plus récentes et celle-ci donc de 1980. On a enchaîné avec la musique de Miss Léonore Boulanger, alors que je ne connaissais pas du tout avant de préparer cette émission, avec un très beau disque qui vient de sortir sous le titre Fagen Fagen, une coproduction entre le label Le Soul, le bien nommé, et le label allemand Anna Haut. Le Soul qui a déjà produit son premier disque, qui était sorti en 2010. Alors ça fait furieusement penser à du Brigitte Fontaine. Sur le retour, la musique de Miss Boulanger, rien à voir avec Lily Boulanger, mais musique assez ambitieuse. Là on a passé peut-être le titre le plus light de ce disque, Fagen Fagen. Elle est accompagnée par deux excellents musiciens, Jean-Daniel Botta et Laurent Series, aux différentes percussions. Musique qui embrasse pas mal d'univers. Il y a un côté très africain dans sa musique, et puis pas mal de ruptures de ton. C'est de la chanson que j'arrive à écouter, c'est vous dire, de la chanson française que mes oreilles supportent. Donc Léonore Boulanger et ce très beau disque Fagen Fagen. Et on a terminé avec un projet d'Osaka, ou plus exactement un musicien et collaborateur des Borodoms. Le projet s'intitule YPI et le disque Zuri Rhythm, sorti sur l'excellente étiquette EM Records en double 45 tours et aussi en CD avant l'été. EM Records qui s'est plutôt fait une spécialité de rééditer pas mal de choses, du krautrock nippon, pas mal de musique psychédélique des années 60-70 du monde entier, et donc également des choses un peu plus récentes, à l'image de ce très beau double 45 tours de YPI qui lui aussi mélangeait l'électronique et les percussions à un tantinet africaine. On va continuer avec un musicien là encore nippon qui répond au nom de Masayoshi Fujita, que vous devriez pouvoir retrouver très prochainement à Rennes dans le cadre du nouveau festival Maintenant, qui démarre dans quelques jours. Maintenant, le festival rennais qui aura lieu à partir du 7 octobre jusqu'au 16, voilà, donc dans la métropole rennaise, avec pas mal de propositions comme toujours, des installations sonores, des perfs, également des concerts pour les enfants, pas mal de choses au théâtre du Vieux Saint-Étienne, également à l'antipode de MJC, ça c'est souvent pour les ambiances un tantinet plus rythmées du samedi, la nuit du samedi entre minuit et 6h du matin. Il y a aussi un brunch électronique entre 11h et 15h au théâtre du Vieux Saint-Étienne, et puis pas mal de choses donc à déguster. Il y aura notamment la venue de la violoncelliste Julia Kent, qu'on n'a pas entendue dans le bourg depuis pas mal de temps, et puis dans les gens également très connus. Donc Masayoshi Fujita donc fera un set le jeudi 13 octobre. Ce sera au Musée des Beaux-Arts entre 19h et 20h. Et il sera aussi de retour à l'ESAB Cid de Rennes en coproduction entre l'ESAB au Diapason avec une soirée Nuit Papier 2.0 également le jeudi 13 octobre qui démarrera donc à 21h jusqu'à minuit avec 6-7 propositions à suivre. Donc pas mal de choses à voir et entendre encore cette année pour le festival maintenant. Voilà, je savais que je vais vous en parler. Clara Lewis, l'excellente Clara Lewis, la fille de Graham Lewis, la suédoise qui sera de la partie également pour la programmation Expérience 7. Ce sera le 15 octobre au Théâtre du Saint-Étienne entre 21h et 22h. Donc un concert à ne pas manquer. Il y aura aussi pas mal d'autres choses. Plus d'informations sur le site du festival maintenant-festival.fr. Vous aurez l'ensemble de la programmation téléchargeable par exemple en PDF ou bien évidemment disponible un peu partout dans le bourg. Et je vous propose d'enchaîner avec un album en duo de Masayoshi Fujita en compagnie de celui qui l'édite assez régulièrement, monsieur Jan Jelinek et son label Feitiche. Ils viennent tout juste de faire paraître un nouvel opus tous les deux sous le titre Shoum. Et c'est plutôt vraiment très très bon ce disque de Masayoshi Fujita et Jan Jelinek. Vous êtes toujours dans les îles de Puceau sur Antenne du Canal B avec une séquence dans les limbes qui a démarré avec la musique du duo Masayoshi Fushita et Jeanne Jelinek et l'album Shoum sorti chez Feitiche, le propre label de Monsieur Jelinek. Excellent disque qu'ils ont sorti tous les deux. La moitié ou les deux tiers des pièces sont vraiment très très très très fameuses. Et donc Monsieur Fushita qui sera en concert pour le festival Maintenant, le nom de l'ancien festival Electronica depuis quelques années déjà, donc Maintenant Festival qui démarre dans quelques jours. Et vous pourrez d'ailleurs y entendre pas mal de choses, notamment le grand retour des Headphone Sessions de notre camarade Hiroskin, les Headphone Sessions numéro 1 et 2 qui auront lieu samedi 8 octobre, donc samedi en 8, ce sera la Reine du Bal, qui est le nouveau lieu à la mode de Rennes dans le quartier Ginguené, derrière le pont de Nantes, du côté de la rue Tiercelin et ce genre de choses, un café apparemment où on peut danser également, et donc vous pourrez vous trémousser sur les ambiances électroniques dansantes de Hiroskin, NVNA et Imhotep entre 19h et 20h30, Headphone Session 1 et 2, donc pour écouter au casque et vous trémousser dans la rue peut-être. Voilà donc pour les Headphone Session qui sont de retour pour le festival maintenant. Maintenant, plus d'informations sur maintenant-festival.fr. Et on a enchaîné avec la musique d'un projet que j'imaginais complètement défunt. Il s'agit de Three Quarter Had Been Eliminated, et pour cause, puisqu'il n'avait rien sorti depuis une demi-douzaine d'années, depuis leur disque aux éditions italiennes Die Schachtel. Three Quarter Had Been Eliminated, qui avait démarré au milieu des années 2000, on avait pas mal écouté la musique de ces Italiens électroacousticiens qui sont très actifs de leur côté également, Claudio Rochetti, Stefano Piglia et Valerio Tricoli, qui est certainement celui dont on parle le plus en ce moment, notamment pour ses différents disques sortis chez Pan Records, notamment Misery Lares, qui était sorti il y a de ça 2 ans. Il a récidivé cette année avec Clonic Earth, et aussi un très bon disque aux éditions Second Sleep sous le titre Vixit. Et donc en compagnie de Three Quarter Had Been Eliminated, ils se sont fendus de 2 plages d'une bonne vingtaine de minutes aux éditions Black Truffle sous le titre Speak To Me. Black Truffle qui n'est rien moins que le propre label de l'Australien Oren Ambarchi, sur lequel il édite pas mal de choses, également pas mal de pièces historiques telles que la musique de AMM de 1966 ou encore très récemment le Natural History de Alvin Curran, qui était une cassette je crois qui était sortie au début des années 80, totalement inconnue cette musique de Alvin Curran. En tout cas un très très beau disque donc de Three Quarter Had Been Eliminated, sans doute une musique électroacoustique un peu post-gothique on pourrait dire, ce qui caractérise assez bien la musique de ces énergumènes italiens. On va continuer avec une séquence en hommage à un pionnier du synthé modulaire, et pas des moindres, dans la lignée de Robert Moog, Don Buchla, qui nous a quittés il y a de ça 8-10 jours, qui était un Californien issu de la contre-culture américaine, sorte de post-beat qui avait commencé à fabriquer des synthés analogiques vers 1963, remplir des boîtes à chaussures de différents modules sonores. Quelqu'un qui a œuvré un peu toute sa vie pour ces musiques-là. Il avait commencé en tant que physicien. Il avait étudié d'ailleurs à la fameuse université Berkeley. Alors je ne sais pas du tout s'il a croisé Philip K. Dick à la même époque. En tout cas, il avait réussi à financer ses études d'ingénieur et de physicien grâce à ses parties de poker, figurez-vous. Donc vraiment un personnage assez singulier. Et donc à partir du milieu des années 60, il a commencé à fabriquer ses synthés modulaires, très très beaux d'ailleurs, des sortes de sculptures sonores à partir de pas mal de processeurs. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup aussi œuvré dans le couplage analogique et aussi digital. Il a cru pas mal dans le couplage entre les synthés analogiques modulaires et les ordinateurs, et ce à partir des années 70. Puis il a commencé aussi à faire pas mal de patch ordinateurs et aussi ces fameux instruments Buchla. Vous avez plus d'informations d'ailleurs si vous voulez vous renseigner sur les instruments de Don Buchla et un peu toute son histoire dans le très beau livre qu'a fait paraître Laurent de Wild à l'été dernier aux éditions Grasset, Les Fous du Son. Il y a un chapitre entier qui lui est consacré. Laurent de Wild, qu'il avait rencontré d'ailleurs en Californie. Et donc on va faire une petite séquence en hommage, ou plutôt une très longue séquence qui va démarrer avec deux disques très récents de Suzanne Ciani, qui est certainement l'américaine qui a le plus popularisé la musique et les instruments Don Buchla. Alors c'est aussi elle d'ailleurs qui est à l'origine des sons des bulles de Coca-Cola dans les pubs historiques Coca. Voilà pour la petite anecdote au passage, et je propose de démarrer avec un disque qu'elle a fait paraître cette année, ou plus exactement que les Finder Keepers ont fait paraître, des archives de concerts de 1975. On écoute Suzanne Ciani avec un extrait au Free Music Store de WBAA, et donc une pièce de 1975 sur instrument Buchla. Thank you. Thank you. Thank you. Le son du Buchla qui claque dans les élocutions sur l'antenne du 94 MHz avec cet hommage au pape du synthé modulaire, le vieux Donald Buchla qui nous a quittés le 15 septembre à 79 ans. Lui qui avait démarré vers 1963 la fabrication de ses boîtes remplies de filtres d'oscillateurs et d'amplificateurs. Instrument qu'il a terminé vers 1965, le premier prototype Moog en parallèle daté lui de 1964. D'ailleurs, son premier synthé modulaire, il l'avait fabriqué au Tape Music Center de San Francisco sur une proposition de Morton Subotnick et Ramon Sander, lui qui avait travaillé aussi aux côtés du Grateful Dead et qui avait refusé, à la différence de Bob Moog, de commercialiser ses boîtes à frissons et qui avait continué une activité artisanal jusqu'à très récemment. Il avait revendu sa propre firme quand il avait une 70-75 ans, alors qu'il sentait la mort arriver. En tout cas, il a fabriqué pas mal d'instruments depuis le milieu des années 60, notamment les différents synthés Buchla, le synthé portable, le Music Easel à partir de 1973, quantité de séries différentes de ces instruments, jusqu'à des marimbas Lumina aussi à partir des années 80-90, des instruments midifiés, mi-synthé, mi-acoustique, couplés à différents patchs. Voilà pour la séquence en hommage à Don Buchla qui commençait avec la musique de Suzanne Chani et un extrait de ses Buchla Concerts 1975 sorti cette année en vinyle aux éditions Finder Keepers, qui était enchaîné avec un disque 33 tours lui aussi sorti très récemment. Deux joueuses de Buchla, donc la même Suzanne Chani en compagnie de Kathleen Aurélie Smith. C'est un disque sous le titre Synergy dans la série FRKWYS volume 13 des éditions new-yorkaises RVNG Untitled. Puis on a poursuivi avec le fameux Morton Subotnick S Silver Apples of the Moon qui avait été commandé par la firme Nonesuch et sorti en 1968. Un disque qui avait eu un grand retentissement dans la communauté pop. Et on avait terminé avec la musique de Charles Cohen, qui a été lui aussi, qui est toujours en vie d'ailleurs, qui était un Californien, qui a été remis au goût du jour grâce aux bons soins du label de Rabbi Behani, Morphine Records. Et là, on entendait un titre de 1979, le Dance of the Spirit Catcher, souvent des pièce pour la danse d'ailleurs, pour la musique de Charles Cohen. Et là, ça figurait sur une anthologie qui s'intitule Rétrospective, voilà, de Charles Cohen. Très très belles éditions Morphine Records. On va continuer avec la musique de Elliot Sharp avec un quintet où on retrouve Elliot Sharp, non pas avec son instrument de prédilection, la guitare, mais cette fois-ci plutôt aux différentes clarinettes et saxophones. Quintet qu'il a depuis quelques années sous le titre Aggregat. Il avait sorti un premier disque sur Clean Feed en 2013, dans lequel on retrouvait aux côtés du tromboniste Terry L. Green, du bassiste Brad Jones, et Nate Woolley était à la trompette et Chess Smith à la batterie. Les éditions portugaises Clean Feed viennent de ressortir un nouveau projet Aggregat d'Eliot Sharp, cette fois-ci en compagnie du batteur historique des sessions d'Anthony Braxton des années 70, Barry Altschulz. Et la trompette, c'est Taylor Obinum qui a remplacé Nate Woolley. La musique est vraiment très très bonne. Je propose d'écouter le titre de ce aggregat d'Eliot Sharp, l'album qui s'intitule Dialectrical. Voilà, on écoute ça tout de suite. le vieux Elliot Sharp, non pas avec sa guitare double manche et son orchestre à carbone, mais avec sa formation Aggregat, dans laquelle on le retrouve aux côtés de Taylor Hobinum, de Terry L. Green au trombone, de Brad Jones à la basse et de Barry L. Schulz aux percussions. Et lui, cette fois, aux différentes hanches, saxophone et aussi clarinette. Excellent disque que ce Dialectrical, la deuxième parution de son projet Aggregat, toujours aux éditions Clean Feed. On va se quitter avec un dernier titre et je propose de réentendre le vibraphoniste Masayoshi Fushita en compagnie de Yann Jelinek, donc le japonais qui vit à Berlin, avec un nouvel extrait de ce disque aux éditions Feitiche sous le titre Shaum. Ça pour vous rappeler que vous pourrez retrouver d'ailleurs une interview du vibraphoniste et électroacousticien Masayoshi Fushita sur le site maintenant-festival. Quant à l'édition de cette année, elle se tiendra entre le 7 et le 16 octobre. Voilà le temps aussi de vous rappeler que l'intégralité de cette émission est réécoutable à partir de son blog en podcast ou en écoute stream azile35.blogspot.fr avec l'intégralité des playlists. Je vous laisse en compagnie aussi de Zion Highway. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine. À bientôt. Thank you. Thank you.